Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Brassens au Québec. Je suis très difficile. Je ne veux pas dire par là que mes chansons soient parfaites, mais j'essaie de tirer le maximum de moi-même quand je fais une chanson. Et parfois, je remets une chanson 5, 6, 7 fois sur le chantier. Je pense qu'il vaut mieux quand même faire des chansons qu'aller les chanter. Georges Brassens en entrevue à l'émission Métro Magazine en septembre 1961, lors de son unique passage au Québec. Il faut dire que Georges Brassens déteste l'avion et qu'il préfère de loin l'écriture de chansons à la scène et à la vie de tournée, comme vous venez de l'entendre. Pourtant, en 1961, Brassens va finir par se laisser convaincre de venir passer chez nous quelques semaines. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les productions Jacques Gérard sont très fiers de vous présenter pour la première fois à Montréal, accompagné à la basse par Pierre Nicolas, Georges Brassens. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Extrait de la chanson pour l'Auvergnat chantée par Georges Brassens à la Comédie canadienne en septembre 1961. Pour nous raconter la tournée de Brassens au Québec en 61, je reçois l'auteur-compositeur-interprète Steve Normandin. Steve Normandin, bonjour. Bonjour. Où en est d'abord Georges Brassens quand il décide finalement de venir nous voir au Québec? Ben, il n'y a pas de doute. Une des plus belles plumes de la chanson française de l'après-guerre. Évidemment, en France, c'est déjà un monument, malgré le petit aura sulfureux qui l'entourait, parce qu'évidemment, en poète qu'il est, c'est un peu le François Villon, l'écrivant moins, mais le François Villon des temps modernes, il aime dire crûment les choses, ouais. Mais sans jamais de vulgarité, sauf que des mots comme, vous permettez, les mots comme cul, des mots comme con, ouais. Qui aujourd'hui sont passé dans le langage familier, eh bien, dans les années 50 et 60, ça passe moins bien. Donc, ouais. En France, ça va. Et ici, qu'est-ce qu'il en serait avec M. Brassens? Eh bien, le Québec l'attend de pied ferme. Les disques circulent depuis des années. Ses textes font se pâmer les amateurs de ouais. chansons. Et on bien que... veut l'entendre, on veut le voir. On veut surtout chez... le voir. Ouais. Parce que, bon, à part une apparition au cinéma dans Porte des Lilas, le seul film qu'il a fait sous la direction du grand René Clair, il n'y a pas moyen de voir Brassens. Si vous n'êtes pas en France, on n'est pas aujourd'hui à l'époque où il y a des satellites où la télévision se diffuse. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voir Brassens, vous n'avez que le disque pour l'entendre. Mais qu'est-ce qu'il convainc? Il n'aime pas la scène. Il n'aime en tout cas certainement pas la vie de tournée. Il déteste l'avion. Qu'est-ce qui fait qu'il finit par dire « Oui, je fais le voyage jusqu'au Québec? » Ben, la curiosité dans un premier temps et surtout, il y a des appels qui se font pressants. Ces impresarios, M. Jacques Canetti en tête qui dirige les opérations pour ses disques chez Philips et son secrétaire, Pierre Ontignante, que tout le monde connaît sous le nom de Gibraltar, ben, lui disent, écoute, t'as des propositions d'aller voir les francophones ailleurs. Ce serait vraiment une folie de ne pas faire ce voyage, ne serait-ce que pour avoir la curiosité et d'aller rencontrer ce public qui t'est favorable. Ses amis aussi. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, ses amis chanteurs, ça déferle. Là. Les chanteurs français viennent ici bien à ce moment-là. Bien sûr. Écoute, René, Piaf, vas-y. Béco, Aznavour, tout le monde est enthousiaste et lui suggère d'aller goûter au Canada français, comme on disait à l'époque. Ouais. Alors, il s'embarque avec une petite équipée, c'est-à-dire une secrétaire, Yoa Heyman. On découvre plus tard qu'il s'agit de la chère pupichaine, la femme de sa vie, mais qui fait passer pour une secrétaire, son contrebassiste et Pierre Ontignante, dont je parlais, lui refuse le voyage. Il n'aime pas l'avion, d'accord, mais on comprend par la suite, grâce à des déclarations, que Canetti a refusé de lui payer le voyage. Ouais. Alors, Il se retrouve chiche, vraiment. Ouais. Alors, il se retrouve en petit comité et débarque donc à Dorval en 1961 avec un ambassadeur de taille, celui à qui Brassens doit la façon de chanter avec la guitare. Ouais. C'est M. Félix Leclerc qui vient l'accueillir et lui dire bienvenue chez nous. Ils sont amis. Il va, durant ce séjour, Brassens séjourner à l'île d'Orléans chez Félix. En un mot, ça va ressembler à quoi cette tournée? Il va aller où? Qu'est-ce qu'il va chanter? C'est très bref. Commençons d'abord par l'itinéraire. Cette représentation à Montréal à la Comédie canadienne, qui est aujourd'hui le Théâtre du Nouveau Monde, donc sur Sainte-Catherine, du 25 septembre au 1er octobre. Ensuite, 10 représentations au cabaret chez Gérard à Québec, qui est tenu par Gérard Thibault. Ouais. D'ailleurs, Gérard Thibault qui tient ce cabaret avec l'annonceur Jacques Lorrain, que vous avez entendu en début de spectacle. Lui et M. Lorrain vont créer les productions Jacques Gérard et seront à l'initiative de l'avenue de Brassens pour organiser cette tournée. Ensuite, Ottawa, l'Université de Montréal et une rencontre, bien sûr, à Ottawa avec l'ambassadeur de France. Deux émissions télé, des émissions radio. Et tout ça pour un cachet mirobolant en 1961 de 11 500 $ pour lui et son contrebassiste. Ouais. Il va donner évidemment quelques entrevues lors de ce passage chez nous. Vous le disiez un peu, il a un petit côté irrévérencieux, Brassens, ce qui fait que oui, ses admirateurs l'attendent avec impatience, mais il y a dans certains milieux, l'Église catholique en l'occurrence... Oui, les trop bien pensants, vraiment. Des petites craintes parce que justement, cette fameuse réputation traîne, réputation d'enfant terrible de la chanson française. Dans l'une des entrevues qu'il accorde Brassens lorsqu'il est de passage chez nous, il en parle. On l'écoute parler au micro de Lisette Gervais de ce petit côté un peu plus rugueux, cru, osé, enfin, comme vous voulez. Entrevue qu'il donne le 2 octobre 1961. Georges Brassens, êtes-vous d'accord sur ce que l'on dit de vous, que vous êtes l'enfant terrible? Oh non, je ne suis pas tellement d'accord, mais vous savez, les réalisateurs et les producteurs, enfin ceux qui présentent au public des artistes ou des prétendus artistes, ont toujours besoin au début d'un qualificatif quelconque pour essayer d'attirer l'attention du public par autre chose que par ce que fait l'artiste. Alors l'enfant terrible parce que je disais des gros mots, puis ensuite ça a été l'ours aussi. Je n'ai pas que l'enfant terrible, j'ai aussi l'ours. Il paraît que j'ai la démarche et la voix de l'ours. J'ai essayé d'entendre chanter les ours, mais ils chantent quand même un peu plus mal que moi. La mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médite de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Alors, comment il sera accueilli, cet ours à la mauvaise réputation, ici, Steve Normandin? Les bras et le cœur ouverts. Ouais. Vraiment, comme je le précisais en début d'émission, les disques ayant fait leur travail, les gens connaissaient les chansons sur le bout des doigts. Évidemment, on est à la première période, donc ils gardent bien chaud par devers lui toutes les chasses aux papillons, le parapluie, le fossoyeur, évidemment, la mauvaise réputation. Toutes ces grandes chansons-là font un florilège absolument exceptionnel. Et le public répond présent. À un point tel que, bon, le succès venant, l'idée de évoquée par Mme Gervais de l'ours et de l'artiste peut-être mal vu à cause de son vocabulaire, évidemment, la presse fait ses choux gras, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dithyrambiques en disant « Brassens, il faut le voir pour le croire, c'est vraiment celui qui a une poésie exceptionnelle au service de la chanson. Bon. » Et il y a tous les autres détracteurs qui disent « Oui, mais quand même, venir suer... derrière sa guitare et nous balancer des gaudrioles, il faudrait quand même vous calmer. » Alors, il y a vraiment une espèce de lutte. Il y a les pro-Brassens d'un côté et les anti-Brassens de l'autre. Et c'est tout à l'image du Québec qui allait s'ouvrir vers la Révolution tranquille. Mais il y a encore un bon fond de cléricalisme bien ancré qui, parfois, envoie une volée de bois vert qui n'est pas nécessaire. Ouais. Mais c'est vrai, on l'oublie, hein, on oublie cette époque, mais c'est pas rien quand même d'avoir cette parole de Brassens chantée à ce moment-là au Québec. Ça crée ce grand coup de tonnerre et c'est tant mieux, effectivement. Je parlais des quelques entrevues qu'il va donner. On parlait au tout début de l'émission de son rapport à la scène. Il disait, d'entrée de jeu, « Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me branche, c'est l'écriture. » Quand il rencontre Andréanne Lafont, le 22 septembre 1961, il en parle de son rapport à la scène à l'émission Carrefour. cours. Quelle est votre impression quand vous entrez sur scène? Parce que vous avez tout de même... Vous aimez la solitude. Oui, mais on arrive quand même à être tout seul au milieu de la foule. Hein, faut pas... Et puis je pense quand même à ma première chanson, à mes premiers couplets, à mes premières strophes. J'oublie que je... Enfin, je ferme les yeux, je ferme le cœur, je me jette. Mais c'est Félix Leclerc qui m'avait appris ça un jour en France. Il m'avait dit, moi j'aimerais chanter mes chansons chez les gens, aller dans leur cuisine, mettre le pied sur un escabeau et puis leur dire, écoutez, j'ai fait cette chanson. Et moi, je me suis servi un peu de ça, j'en ai fait un peu mon credo. C'est-à-dire que quand je vais chanter devant un grand public, c'est un peu comme si j'allais dans la cuisine des gens, et si je leur disais, écoutez, j'ai fait ça. C'est pour cette raison que je ne mets aucun artifice musical ni scénique, aucune lumière particulière. J'essaie de chanter d'une façon tout à fait naturelle, un peu comme la mère chante des chansons à ses enfants. Quel rapport il a, Brassens, à la scène? Ben, tout d'abord, un trac fou, parce que quand il a débuté, ça s'est tellement enchaîné rapidement que, comparativement à plein d'artistes qui ont pu maîtriser davantage le médium d'être en face de quelqu'un, pour lui, c'est toujours une source de stress infinie. Et on le voit, ne serait-ce que sur des films d'archives, se retourner vers Pierre Nicolas, le contrebassiste, et lui dire n'importe quoi, il grommelle soit les titres de chansons ou encore il doit passer un peu ses frustrations. Mais on sent que c'est pas naturel chez lui. C'est ouais. L'antithèse d'un Gilbert Bécaud qui est prêt à aller jouer avec le public. Non, lui, c'est très, très recueilli. Et comme il le précisait assez souvent dans d'autres entrevues, pour lui, faire de la tournée et aller chanter, ça l'empêche d'écrire. Ouais. C'est pas comme Jacques Brel qui se met l'attaché-case, si vous permettez l'expression, sur les genoux et d'écrire des chansons pendant qu'il roule en voiture. Lui, il a besoin de se concentrer, d'être dans son bureau, mm-hmm. avec ses livres de poésie, ses livres de versification, et d'être dans son univers pour bien structurer la chanson, ouais. pour y revenir. Un petit côté pantouflard aussi. Il va à une des salles qu'il aime, c'est Bobineau à Paris. Ah oui, le vieux Bobineau. Parce que c'est à côté de chez lui, au fond. Bien sûr. Et puis, il y va, il y revient. Et en même temps, il peut amener sa bande de copains. C'est ce qu'il désolait en venant au Québec. Il aurait bien voulu amener, je sais pas moi, René Fallet, qui écrit des romans, d'autres amis. Parce que quand il est à Paris, Brassens, il y a une cour, sans ouais. être nécessairement le roi, mais il y a une troupe de copains, puis tout le monde vient manger à table, puis il régale tout le monde. S'il y en a pour moi, il y en a pour ouais. 10. Et là, il se trouve un peu coincé dans les rouages d'une tournée. Il parlait dans cette entrevue, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Georges Brassens, de Félix Leclerc. On reviendra sur la façon dont l'un et l'autre ont été importants dans un instant, mais un mot quand même déjà sur la rencontre. De quelle manière ils se rencontrent, ces deux-là? Ah ben, Félix, du fait qu'il chantait beaucoup à Paris, ils se sont rencontrés d'abord en France. Ils ont le même impresario. Ils travaillent tous les deux aux Trois Baudets. Et leur première rencontre est d'abord européenne. Ouais. Et de ce fait, comme ils se croisent presque tous les soirs ou peut-être au hasard des studios, bon, ils vont tranquillement se perdre de vue parce que chacun va partir faire de la tournée. Donc... Mais il y a toujours quand même les croisements. Les artistes viennent qu'à se retrouver. Et puis, comme ils partagent cette passion de la guitare, Félix Leclerc a ouvert une voie royale, évidemment, à tous les auteurs-compositeurs de ouais. cette époque-là. Alors, Brassens, lui, est énormément redevable, bien que j'ai cru comprendre qu'il composait parfois avec un orgue électronique ou un piano, ah ce bon. Qui est très étonnant. Alors, mais pour lui, évidemment, on a toujours l'image de l'homme avec la guitare ouais. et la moustache. Alors, c'est ce qui les rattache, le fait des beaux mots, des belles histoires et du contact ouais. simple avec le public. Et de fait, on va beaucoup les comparer, Félix et Brassens. Où commence, où s'arrête cette comparaison? Georges Brassens, toujours lors de son passage chez nous en 61, répond aux questions de jeunes admirateurs. L'une de ces jeunes admiratrices l'amène justement sur ce terrain de la comparaison entre lui et Félix Leclerc. Monsieur Brassens, pourquoi aimez-vous voir entre vous et Félix Leclerc des ressemblances, puisque ça nous semblait tellement différent? Oui, parce que j'ai dit que j'avais beaucoup d'amitié et d'admiration pour Félix Leclerc, mais je n'ai jamais dit qu'on avait une ressemblance. Je pense que justement on est tout à fait opposés, puisque on n'a pas du tout la même conception de la vie, de l'amour, de tout. Mais on est des amis surtout. C'est surtout ça, ce n'est jamais moi qui ai dit ça. J'ai dit que j'aime beaucoup Félix Leclerc, que j'avais beaucoup d'admiration pour lui et qu'il m'avait aidé à passer en public à cause précisément de son dénuement, de ce côté dépouillé, cette façon de chanter sans artifice, façon de chanter contraire à tout ce qu'on avait fait jusqu'alors. Et c'est ce qui m'a permis sans doute d'arriver en scène et d'être accepté, parce qu'on avait accepté un Félix Leclerc qui ne faisait pas le guignol, on a accepté aussi Brassens à ce moment-là. D'ailleurs, en France, à mes débuts, ce sont les critiques de journaux qui ont dit un type qui s'élance sur les brisés dans la lignée de Félix Leclerc, c'est Brassens. C'est pas moi qui ai dit ça. Monsieur Brassens, nous savons que l'endroit n'est pas très propice pour l'interprétation d'une chanson, mais nous aimerions beaucoup entendre le petit cheval blanc, spécialement pour tous les jeunes Canadiens. Eh bien, spécialement pour tous les jeunes Canadiens, voici le petit cheval. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait long du courage, c'était un petit cheval blanc. Tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Alors, cette fameuse comparaison, jusqu'où elle tient, jusqu'où elle ne tient pas, comment ils se comparent, Félix et Brassens, et quelle importance aussi ils vont avoir l'un pour l'autre? Oh, ben, dans un premier temps, c'est évident que le style d'écriture n'est pas le même. Ouais. La différence entre la musique de Félix Leclerc, qui est plus portée sur une musique slave, il aime beaucoup les musiques russes et tout, alors que Brassens, lui, a des chansons qui peuvent peut-être ressembler, musicalement du moins, dans les premières périodes, à des chansons qui datent du début du 20e siècle. Donc, c'est très particulier. L'ambiance n'est pas le même. Le beau rapport que Brassens a donné par rapport à l'identification qu'on faisait de lui et de Félix Leclerc, c'est vraiment ce dénuement extraordinaire. L'homme sur scène avec sa guitare. C'est les mots, les paroles et la musique d'abord et avant tout. Oui. Et puis ça donnera donc une grande amitié. Il va au Québec rencontrer un autre ami à venir quand il viendra à Brassens en 61, Gilles Vigneault. C'est là qu'il va faire la connaissance de Georges Brassens. Vigneault, à l'époque, débute à peine sa carrière. On l'écoute raconter à Laurent Bourguignon sa rencontre avec Georges Brassens à l'émission « D'un jour à l'autre » en août 1970. Brassens venait de donner le spectacle devant 10 personnes dont j'étais, et j'admirais beaucoup, bien sûr, puis moi je commençais beaucoup, et Brassens m'a dit à un moment donné, il était en scène, puis il y avait tellement peu de gens qui écoutaient, il y avait tellement que nous à la table qui écoutions sur les 10, et en somme il n'était pas à sa place. Il m'a dit à un moment donné, de la scène à ma table, il dit ben, « Je voudrais bien être à ta place. » Alors, moi, qui avais tellement envie d'être à la sienne, ben, j'ai dit « Et moi à la vôtre, monsieur. » Et ça, ça l'avait... Enfin, ça l'avait laissé un petit peu pantois, disons. Et il n'avait pas répliqué, il a continué. Bon, il dit « D'accord. » Puis après, il m'a permis de porter sa guitare. Puis j'ai porté sa guitare jusqu'à l'hôtel Clarendon où il restait. Et il était là tout seul. Et j'ai pas insisté du tout pour monter. Je suis pas monté du tout. On n'a pas discuté plus que ça. J'ai porté sa guitare et en remontant. Et il m'a dit comme ça, tout ce qu'on peut faire nous autres, c'est de montrer de temps en temps une petite lumière. Faire un spectacle, c'est ça? Montrer une petite lumière au bout du chemin. Puis après, moi, je me suis conclu ça à moi-même, montrer une petite lumière au bout du chemin, même quand on la voit pas. C'est fabuleux, cet extrait, Steve Normandin. On reconnaît tout Vigneault. Ça en dit beaucoup aussi. Et qu'est-ce que ça nous dit sur Georges Brassens, cette anecdote-là? Moi, je pense qu'il n'avait absolument aucune illusion sur le métier de chanteur. Comme on précisait, il aimait beaucoup écrire, mais pour lui, c'était beaucoup d'artifices, beaucoup de ronds de jambes et des entrevues et des rencontres avec un tel. Et on se fait des gentillesses et des poignées de main. C'était pas quelqu'un qui s'en laissait imposer facilement, Brassens. Il était calme, mais c'était l'envers du naïf. Et je pense que l'anecdote avec Vigneault montre aussi un autre bel aspect, c'est que Brassens, c'était pas un jaseur. C'était pas quelqu'un qui était causant, mais quand il disait quelque chose, c'était posé, il n'y revenait pas. Et pour lui, je pense que l'image même de dire on va porter la parole, on la tient à bout de bras et c'est comme une petite lumière qu'on veut donner. Chaque chanson est un exercice et un tour de force. Quand on écoute l'œuvre de Brassens, il y a toujours cette petite lumière-là, ouais. la portée de la réflexion, l'acceptation de l'autre. Et c'était peut-être aussi ce qui dérangeait les gens de cette époque-là, au Québec comme en France, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « OK, ce type-là peut être un assassin ou un voleur ». Il n'y a aucune raison pour pas qu'il y ait sa soupe sur une table et qu'on lui serve un verre de vin et qu'on lui dise « monsieur ». Et il avait un respect de l'humain énorme. Et je pense que cette belle anecdote-là que nous a servi M. Vigneault, je pense qu'elle est tout à fait l'image de Brassens. Au vraiment... moment où Vigneault rencontre Brassens, il n'existe pas encore. Brassens n'a aucune idée de ce que deviendra Vigneault, évidemment. Et Vigneault n'est pas non plus... il a commencé, en fait, à écrire des chansons. Jacques Labrecque a enregistré un disque des chansons de Vigneault. Il est sur le point, l'année d'ensuite, d'enregistrer un faux enregistrement en spectacle avec les Jack Monoloy et puis Quand vous mourrez de nos amours et tout ça. Mais la belle production de Vigneault s'en vient. Donc, c'est drôle parce que l'entrevue et la rencontre des deux, c'est comme s'il y avait une passation de pouvoir imprévue. Mais je trouve ça beau, il y a comme une passerelle qui s'établit entre ces deux créateurs. Brassens, évidemment, ne reviendra, il n'aime pas voyager, il ne reviendra jamais au Québec après cette tournée de 61. Quel lien il va, cela dit, garder avec le Québec? Puis quel héritage, quelle influence, en tout cas, il aura au Québec, Brassens? Ben, je pense qu'il, ne serait-ce que sur l'aspect d'écriture et sur le respect, tout le monde va... On a comme deux grandes lignées qui nous viennent de France. C'est ironique en le disant, en pensant à Félix Leclerc, mais sans ce passage obligé vers Paris, peut-être que Félix Leclerc, en tant que créateur de chansons, n'aurait pas connu un si grand succès ici. C'est on est l'une des prophètes dans son pays. Mais donc, quand on a les chansons de Brassens d'un côté qui sont extrêmement structurées et la belle poésie, le côté ironique de Félix... Bien, tout le monde va se mettre à la tâche. Et bien que la plupart des auteurs-compositeurs se réclament davantage de Félix, on pense à Robert Charlebois, à Claude Gauthier, à tous les gens qui ont figuré à l'époque des boîtes à chansons, il y a toujours derrière Brassens qui... Ils connaissent tout le répertoire par cœur. Ça laisse des traces incroyables. Moi, je trouve que le plus beau témoignage et un des plus beaux hommages qui a été rendu à l'œuvre de Brassens, c'est évidemment les interprétations qu'en a fait Mme Renée Claude. Ouais. D'être capable de montrer qu'on pouvait, avec beaucoup de finesse et de tendresse, aller vers des textes qui nous étaient souvent... Ben, parce que Brassens, quand même, c'est un peu brut de décoffrage. C'est tendre, mais c'est affirmé, c'est très mâle. Et les expressions qu'en ont... Mme Renée Claude a amené une expression différente à ces chansons-là. Et je pense que c'est peut-être les beaux cadeaux que Brassens nous a légués, c'est-à-dire cet amour des beaux mots et de la belle chanson, en fait. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, amoureux de cette belle chanson et de ses beaux textes. Et merci c'est pas beaucoup. Fini. Merci, Steve. Merci à vous aussi. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.